Pas de 36 manières de dire que ça part en test. Dans sa parenthèse, je pose. Dans en gros, c'est fini en parenthèse, je pose. On pose sur les faits, je l'ai vu et les faits. Come on, Nino, regret, prends le micro. J'achève un taf, même pas commencé. Je te dirai même pas commencé. Tous ces enfoirés smart, sur nos gueules tellement qu'on m'a sec. J'ai presque plus de voix. Presque plus de voix. Où c'est grave. Quand tout se referme, quand je donne mes rough balles, y'a plus de politesse, plus de texte, plus de jolis textes. Il y a des paroles dans mon cerveau, des balles dans mon chargeur. Des glocks. Bloc, oui, une forme mon quotidien. Gars, si tu me connais bien, tiens, j'ai vous, viens, vas-y, décolle les chiens. Sprite pour mes refs, avant plus rap pour les œufs. J'emmerde les keufs, politique, personne bougera pour mes œufs. Ma voix est une de coronesse, bien accrochée. Ouais. Même à Moshi, au MIC, j'distribue les crochets. C'est que la parole est les boules, que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Tant que c'est les manches qui gonflent, on perd sur mes deux pieds. Faudrait pas que la nouvelle. Regarde, on kiffe pour les quartiers. C'est que la parole est les boules, que le concept est basé. Six boulots et des murs préparés pour faire le sale boulot. À boule les pips, ton bill, on boule les mêmes sous l'eau. Goulot, un flash sous les. Je lâche mes boulots, puis sur tous les. Front ou la racaille, subit ou le. Force et boulot, traite de boulot, les bambous la rouler. Dans la farine, on kick nos rimes comme des lance-roquettes. J'ai fait mes classes parmi les putains et les putes coquettes. C'est l'époque qui veut ça, c'est clair. Comme ce mec qui touche son salaire en fraquant les retraits. Clair en galère, jamais en retrait ou en teutrait. Je rappe pour les damnés. Les condamnés dans la faune, les fans et même les fleurs fanées. Mon manche d'acier. Personne ne bouge et y'aura pas de blessés. La putain roue elle tourne et on le sait, alors faut pas se presser. La parole est déboule que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Tant que c'est les manches qui gouvernent, on se regarde sous mes deux pieds. Faudrait pas que la nouvelle. Regarde, on kick pour les quartiers. C'est sur la parole est déboule que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Tant que c'est les manches qui gouvernent, on se regarde sous mes deux pieds. Faudrait pas que la nouvelle. Regarde, on kick ça pour tous les quartiers. T'as le choix d'entre du bon son ou une injection métallique. Dans le major big red de l'armée de la sonique. Et les gros, ça on sait le faire. C'est même trop si fort. L'enfer les fait. Et c'est toujours une putain d'affaire de mille francs. Du français franc, tu peux raca du vrai pour les bâchements. Du verre pour la vermine et t'as empathie si t'aimes pas. Caisse ta grosse caisse et laisse toi guider. Tu kiffes ton repas. Tu kiffes avec les portes, avec les pas et laisse tout les fois. C'est vrai, ouais. On est la gorge des égorges et vrai. Ouais. On vise pas au pif, on a choué le shérif. La parole est de boule que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Tant que c'est les manches qui gonflent, on regarde sur mes deux pieds. Faudrait pas que la nouvelle regarde, on kick pour les quartiers. C'est sur la parole est de boule que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Tant que c'est les manches qui gonflent, on regarde sur mes deux pieds. Faudrait pas que la nouvelle regarde, on kick ça pour tous les quartiers. C'est sur la parole est de boule que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée, les boules sont en acier. Pour les quartiers. C'est sur la parole des déroules que le concept est basé. C'est mieux que la parole est fermée.